Chapitre 8. 20 jours après. Le chevalier d'Arsac, après avoir été l'ennemi des compagnons de la Sainte-Vème, en était devenu l'ami. Les membres de cette puissante association se recrutaient surtout parmi la noblesse. Mais selon l'ordre hiérarchique, les francs juges étaient secondés par une légion de compagnons subalternes qui leur obéissaient aveuglément. Au nom de la confrérie, le grand maître remercia d'Arsac de son intervention inespérée. Quant au chevalier, il s'engagea sur l'honneur de ne révéler aucun des secrets qu'il avait surpris. Enfin, il obtint la promesse formelle que les francs juges ne poursuivraient plus de leur ressentiment le maître maçon Corbier. Le prince d'Armor et le vicomte de Lignan, chargés par la belle humeur et la franchise du Gascon, insistèrent pour qu'il acceptât un grade dans leur confrérie. « Je porte déjà tant de titres, s'écria le chevalier, mais si mon adhésion peut vous être agréable, je vous la donne avec joie. » Et il devint franc juge. Il apprit ainsi ce que signifiaient les phrases conventionnelles qu'il avait maintes fois entendues. Il pleuvra ce soir, par exemple, était à la fois un signe de reconnaissance et d'un ralliement, et pouvait se traduire par ces mots « Es-tu des nôtres ?»« Oui, le vent souffle de l'ouest », était la réponse et voulait dire « J'en suis ». Les mots d'ordre et de passe changeaient chaque jour. Pour pénétrer dans un lieu de réunion, l'initié devait tantôt répondre « Je viens du sud-sud-est », tantôt « du nord-ouest », etc., etc. Enfin, entre compagnons qui s'étaient reconnus, la répétition de « Il pleuvra ce soir » signifiait « Attention, le moment d'agir est venu » et la seconde réponse « Oui, le vent souffle du nord, je suis prêt ». On s'explique dès lors pourquoi ces paroles fatales résonnaient aux oreilles du maître maçon Corbier comme l'avertissement d'un danger inconnu. Un peu du mystère planait encore sur le drame de la rue d'Oran. Le vicomte de Lignan le dissipa. Il raconta au chevalier d'Arsac, qui était devenu son ami intime, comment le crime avait été commis. La haute cour de la Sainte-Vème avait été avisée qu'un troisième imposteur, soudoyé par les barons de Grandmas, avait surgi. Le vicomte de Lignan fut chargé d'ouvrir une enquête. Il apprit que l'homme qui se substituait au véritable comte Louis de Beaulieu se nommait François Deschamps. C'était un rastaquaire de bas étage, traqué par la police pour vol, abus de confiance et meurtre. Il ne manquait toutefois pas d'intelligence ni d'habileté. Il avait accepté les offres du faux monsieur messager, qui n'était autre que le baron Victor de Gramat. François Deschamps avait les traits réguliers et expressifs. Il offrait donc quelques ressemblances avec Louis de Beaulieu. Il lui avait suffi de relever sa moustache, de laisser pousser sa barbiche, de faire tailler ses cheveux d'une certaine façon et, enfin, de teindre tous ses ornements capillaires pour offrir le portrait vivant de son modèle. C'est là un talent que possèdent tous les comédiens et dans lequel tout homme habile peut exceller. Il est du reste curieux de constater que le modèle de Deschamps n'était autre que Marcel Leguet, qui, de son côté, n'était qu'une imitation du comte Louis de Beaulieu, alors enfermé dans les caves de l'hôtel du boulevard Saint-Germain. L'identité du nouvel imposteur ayant été établie, les francs juges condamnèrent à mort le nommé François Deschamps. 5 compagnons furent chargés d'exécuter la sentence. Ils enlevèrent le condamné en auto et le conduisirent dans la maison inhabitée de la rue d'Oran, dont le propriétaire était affilié à la Sainte-Vème. Là, on le somma de renoncer à son imposture. Comme il refusait de signer les engagements qu'on attendait de lui, les 5 compagnons le poignardèrent. Puis, 2 francs juges s'étant déguisés, se rendirent chez M. Corbier et firent, comme on sait, murer la porte du réduit dans lequel le cadavre jeté dans un coffre avait été caché. Il s'agissait, en effet, de faire disparaître à jamais ce corps compromettant dans lequel les barons de Gramat eussent pu déclarer reconnaître Louis de Bourbon et en profiter pour faire dresser son acte de décès. De ce fait, le véritable héritier eut perdu tout droit. Il fallait donc que le crime, ou si l'on préfère, le châtiment, restât inconnu. On ne pouvait mieux le cacher qu'en faisant secrètement murer une tombe dans une maison inhabitée par un ouvrier maçon dont on banderait les yeux et qui ignorerait jusqu'à son genre de travail. Mais on a vu comment le suprême cri d'agonie de la victime avait découvert le crime. Les deux compagnons de la Sainte-Vème, après avoir délibéré, ordonnèrent au maçon de garder le silence le plus absolu sur les faits dont il avait été témoin. Le malheureux n'ayant pas tenu sa promesse, fut condamné par la Sainte-Vème, qui craignait que ses indications ne fissent découvrir l'endroit où était caché le cadavre du faux comte de Beaulieu. C'est alors que parut le chevalier d'Arsac, qui devait, à son tour, devenir, sans le savoir, un nouvel imposteur. La vindicte de la Sainte-Vème le menaça dès ce moment. En outre, Marcel Leguet, l'homme proté en qui les barons de Gramat, aussi bien que les francs juges, croyaient voir le véritable comte de Beaulieu, devina dans le Gascon un concurrent dangereux. Le rival d'Arsène Lupin était devenu suspect à beaucoup. Il accusa le chevalier d'Arsac d'être non seulement un imposteur, mais aussi le gentilhomme cambrioleur qui avait nom Marcel Leguet. C'était une tactique habile, mais les francs juges crurent voir dans le chevalier d'Arsac, installé boulevard Saint-Germain, le vrai comte de Beaulieu et dans l'accusateur, qui se trouvait en ce moment à Orléans, l'accusé. La flèche lancée par Leguet devait se retourner contre lui et le frapper. Disons enfin, pour terminer, que la comtesse de Beaulieu, tout en ignorant le crime dont avait été victime son époux, soupçonnait ses frères d'avoir fait enlever son enfant. Elle ne leur avait pas confié que son fils portait au poignet gauche une tache de naissance. Elle craignait, en révélant ce détail, que les imposteurs habiles n'imitassent cette marque originelle, devait lui permettre de reconnaître son véritable héritier. 20 jours après les incidents que nous venons de rapporter, le chevalier venait de se rendre dans l'hôtel du boulevard Suchet, qu'il occupait jusqu'à nouvel ordre, lorsqu'il reçut les doléances de M. Poirotot. Celui-ci attendait toujours les 132 000 francs que devait lui payer le majordome. « Mordius, vous n'êtes pas encore payé !» s'écria le chevalier furieux. « Voilà une maison mal tenue !» Et il sonna son majordome. « Monsieur, lui dit-il, je suis très mécontent de vos services. D'où vient que le versement que je vous ai ordonné de faire entre les mains de M. Poirotot n'ait pas encore été effectué ?»« Que M. le comte me pardonne, j'ai fait part de sa demande à M. Messager. » Mais jusqu'à ce jour, M. Messager ne m'a pas envoyé cette somme, ni d'autres qui seraient fort nécessaires en ce moment, car je dois avouer à M. le comte que ma caisse est vide. Bon, j'aviserai. Retirez-vous. Quand le chevalier fut seul avec M. Poirotot, il lui dit d'un air maussade : Je crois, monsieur, qu'il est temps que nous sortions de cette galère. Le personnel finissait par vivre à nos dépens. « Ah, monsieur, je suis dans de beaux draps. Que vais-je faire sans la somme que j'attendais ?»« Mais, mon digne monsieur Poirotot, c'est bien simple. Je vous ai appris que lorsqu'on parvient à avoir plus de 100 000 francs de dette, on en vit. »« Tout ça, c'est très beau, monsieur le chevalier, mais ça ne me fait pas vivre. »« Eh, mordius, monsieur mon intendant, une leçon ne coûte jamais trop cher quand on sait la mettre à profit. » Faites donc comme moi. Fin du roman de Maurice Bouet, un rival d'Arsène Lupin.